Bienvenue à tous, chers amis, à FrenchPod. Nous voici ici pour une nouvelle leçon avancée. Je m'appelle Amaury. Et moi, c'est Christella. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon, on va dire, un peu historique. Un petit peu historique, oui, puisqu'on va parler d'un personnage très important, un personnage historique français, le général Charles de Gaulle. Voilà, quelqu'un qui a marqué l'histoire du pays. Et donc on a trouvé que ce serait vraiment intéressant d'en parler aujourd'hui. Et pourquoi on ne commencerait pas par écouter cette fois le monologue ? D'accord, donc on l'écoute ensemble. Si vous demandiez à l'ensemble des Français de citer l'homme d'État national qui a le plus marqué le XXe siècle, nul doute que Charles de Gaulle, plus communément appelé le général de Gaulle, viendrait en tête de liste. Ce personnage haut en couleur, issu d'une famille catholique, est né à Lille en 1890. Après ses études en Belgique et à Paris, il entra dans l'armée et participa à la Première Guerre mondiale. Il poursuivit sa carrière militaire durant l'entre-deux-guerres et épousa en 1921 Yvonne Vandroux, dont il eut trois enfants. En 1940, après la déroute de l'armée française face à l'Allemagne hitlérienne et la demande d'armistice, il se retrouva avec le grade de général à Londres, d'où il prononça le célèbre « Appel du 18 juin », dans lequel il appela les Français à la résistance durant l'occupation. Il incarna ensuite cette résistance, symbole d'une France libre. Il fut ainsi accueilli en héros par le peuple lors de la libération. Au cours des 25 années qui suivirent, il joua un rôle prépondérant au sein de la vie politique nationale, occupant par deux fois le poste de chef de l'État. Au niveau international, on se souviendra qu'il fut plébiscité par le gouvernement et le peuple français pour sortir le pays de la crise que fut la guerre d'Algérie. Il mena également un combat acharné pour que la France et la culture française soient reconnues et respectées, refusant notamment la tutelle des États-Unis. Sur le plan national, il fut l'acteur principal de la construction de la Ve République et l'instigateur de la nouvelle Constitution. Il eut à gérer la crise que traversa le pays en 1968, où les Français, par l'intermédiaire des manifestations étudiantes et ouvrières de mai, exprimèrent surtout un besoin de changement dans la gouvernance du pays. Ces événements conduisirent à son retrait de la scène politique en 1969. Il s'éteignit un an et demi après sa démission, à Colombey-les-Deux-Églises, où, selon ses vœux, l'enterrement se fit dans l'intimité. Donc nous revoilà, que de choses accomplies par le général de Gaulle. Vraiment un personnage fascinant. Oui, fascinant comme tu dis. Ce qui fait que si on faisait un sondage probablement en France, on dit nul doute qu'il viendrait en tête de liste. Donc on a l'expression nul doute. Alors nul doute que pour dire qu'il ne fait aucun doute que. D'accord. Il est clair que. Donc c'est sûr. On en est persuadé. D'accord. Ensuite le personnage est décrit comme haut en couleur. Haut en couleur, une expression vraiment très imagée, qu'on peut utiliser par exemple pour un paysage ou une peinture quand elle est vraiment très colorée et qu'elle a différents aspects. D'accord. Et on peut aussi en parler au sens figuré pour parler d'un personnage, d'une personne. Quand on dit qu'un personnage est haut en couleur, ça signifie que cette personne a une personnalité très, très complexe, différentes facettes, vraiment très intéressantes. D'accord. Alors justement, ce personnage est issu d'une famille catholique, il vient d'une famille catholique. C'est une façon très élégante de dire, d'expliquer de quel milieu il vient en fait. Son origine. Alors De Gaulle était un militaire, c'est comme ça qu'il a commencé, donc il s'est battu durant la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Et il a poursuivi sa carrière militaire durant ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres. Oui, l'entre-deux-guerres en fait c'est la période de 1919 à 1939, entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, et on peut voir qu'il y a un nom en particulier pour ça en français, parce que c'est vraiment une période très importante. D'accord, on voit que les deux guerres ont tellement marqué l'histoire de la France. Exactement. Qu'on a donné un nom pour la période qui les sépare. Donc voilà, et donc il a poursuivi sa carrière, mais bon, la deuxième guerre arrive, 1940, la France est en guerre à nouveau. Malheureusement, l'armée française connaît la déroute. Une énorme défaite. Où l'Allemagne a envahi en très peu de temps le territoire français, ce qui aboutit à l'occupation. Une période très sombre de l'histoire française, l'occupation. Tout à fait, oui. Mais heureusement, elle s'est terminée par la libération. En 1945. Comme on peut le voir un peu plus loin dans le monologue. Ouais, donc cette libération, qui est en fait la reconquête du territoire français par une coalition d'armées internationales, notamment l'armée américaine, l'armée britannique, mais également une partie de l'armée française qui existait toujours, dans laquelle se trouvait le général de Gaulle. Et par la suite, il a joué un rôle prépondérant au sein de la vie politique française, un rôle vraiment très important, un rôle majeur. Il avait pris tellement d'ampleur avec tout ce qu'il avait fait durant la guerre. Il était vraiment un héros national déjà. Donc à ce moment-là, il va devenir chef de l'État quelques années. Et puis il va perdre ce poste Et là, c'est là qu'on va voir qu'il va être plébiscité par le gouvernement et le peuple français pour revenir à la tête de l'État. Et donc, on a ce mot plébiscité. Plébiscité qui vient du mot plébiscite. D'accord. Qui est un autre mot pour dire référendum. Il est devenu aussi un verbe en français. Plébisciter quelqu'un, ça veut dire solliciter, demander fortement, demander en masse notamment. Donc, comme c'est dit, il fut plébiscité par le gouvernement et le peuple français. On voit aussi qu'il avait qu'il menait un combat. Qui est même qualifié d'acharné. Donc en fait, il se battait vraiment, il était vraiment entêté, il tenait coûte que coûte à ce que la culture française et la France soient reconnues et respectées. C'est ce qu'on entend par combat acharné. D'accord. Vraiment que quoi qu'il arrive, il ne voulait pas abandonner. D'accord, il a vraiment consacré beaucoup d'énergie. Exactement. Il a notamment refusé la tutelle des États-Unis. Ouais, et là en fait, la tutelle, c'est une espèce de protection. Mais dans le contexte ici, il y a un sens péjoratif. Qui est qu'en exerçant une tutelle, on a un certain contrôle également. On a pu écouter également que sur le plan national, il avait accompli pas mal de choses, mais que suite à certains incidents qui sont arrivés en 1968, il a dû quitter ses fonctions. Et se retirer de la scène politique. Et donc peu de temps après, le général de Gaulle s'éteignit dans un petit village. Alors il s'éteignit, c'est en fait un très joli verbe pour dire, comme par exemple on dit éteindre la lumière, là on dit s'éteindre. C'est un très joli mot pour dire mourir, en fait. Ouais. Malgré sa popularité, son enterrement se fit dans l'intimité. Son enterrement eut lieu dans l'intimité, il n'y a pas eu de funérailles nationales. D'accord. On réécoute la biographie de Charles de Gaulle ensemble, maintenant. Si vous demandiez à l'ensemble des Français de citer l'homme d'État national qui a le plus marqué le XXe siècle, nul doute que Charles de Gaulle, plus communément appelé le général de Gaulle, viendrait en tête de liste. Ce personnage, haut en couleur, issu d'une famille catholique, est né à Lille en 1890. Après ses études en Belgique et à Paris, il entra dans l'armée et participa à la Première Guerre mondiale. Il poursuivit sa carrière militaire durant l'entre-deux-guerres et épousa en 1921 Yvonne Vendroux, dont il eut trois enfants. En 1940, après la déroute de l'armée française face à l'Allemagne hitlérienne et la demande d'armistice, il se retrouva avec le grade de général à Londres, d'où il prononça le célèbre « Appel du 18 juin », dans lequel il appela les Français à la résistance durant l'occupation. Il incarna ensuite cette résistance, symbole d'une France libre. Il fut ainsi accueilli en héros par le peuple lors de la libération. Au cours des 25 années qui suivirent, il joua un rôle prépondérant au sein de la vie politique nationale, occupant par deux fois le poste de chef de l'État. Au niveau international, on se souviendra qu'il fut plébiscité par le gouvernement et le peuple français pour sortir le pays de la crise que fut la guerre d'Algérie. Il mena également un combat acharné pour que la France et la culture française soient reconnues et respectées, refusant notamment la tutelle des États-Unis. Sur le plan national, il fut l'acteur principal de la construction de la Ve République et l'instigateur de la nouvelle Constitution. Il eut à gérer la crise que traversa le pays en 1968, où les Français, par l'intermédiaire des manifestations étudiantes et ouvrières de mai, exprimèrent surtout un besoin de changement dans la gouvernance du pays. Ces événements conduisirent à son retrait de la scène politique en 1969. Il s'éteignit un an et demi après sa démission, à Colombey-les-Deux-Églises, où, selon ses vœux, l'enterrement se fit dans l'intimité. Alors mon petit Amaury, ce qui est vraiment intéressant dans ce dialogue... C'est quoi ? C'est que la plupart des verbes sont au passé simple. Ouais, d'accord, qui est plutôt un temps littéraire normalement. Oui, plutôt, mais il est aussi utilisé par exemple quand on veut parler de l'histoire. Comme ici. Aussi quand on veut faire des biographies, ouais. Comme ici. Parfait. Ou par exemple, c'est un temps qu'on peut utiliser à l'oral quand on fait des exposés. D'accord, peut-être pas un temps qu'on emploie dans la vie de tous les jours évidemment. Non, pas dans la vie de tous les jours, mais qu'il est important de connaître. Donc on espère vraiment que cette petite leçon va vous aider à encore mieux connaître et encore mieux maîtriser le passé simple. Tout à fait. Et on espère aussi que vous allez mieux connaître la vie du général de Gaulle. Donc moi, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est le passage à un moment où on dit que c'est un défenseur de la France et de la culture française en général. Cette personne ne s'est jamais un peu soumise aux deux grandes puissances de l'époque. Les États-Unis et l'URSS. Oui. Il a toujours voulu défendre la France et faire en sorte que la France occupe une place majeure sur la scène politique internationale. On se souvient notamment de l'épisode qui avait lieu en 1967 au Québec, où à Montréal, devant des milliers de Québécois, il avait prononcé ce discours qui est resté dans l'histoire. Vive Montréal, vive le Québec libre. Ouais, c'était un peu une provocation quand même. C'était une provocation étant donné que le Québec fait partie du Canada. Et que la langue nationale est l'anglais. Mais que De Gaulle voulait quand même promouvoir la langue française. On espère que vous avez trouvé cette leçon intéressante. Oui, donc n'hésitez pas à venir et nous laisser vos commentaires sur frenchpod.com. On sera ravis d'y répondre. Bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon avancée. Ouais, peut-être historique ou bien peut-être autre chose. Ce sera une surprise. On verra. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de passer cette leçon avec vous et à très bientôt. Au revoir tout le monde.